Quatrième partie, chapitre 10 de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Marie-Anne Vidal. Introduction à la vie dévote par Saint François de Sales. Quatrième partie, chapitre 10, la manière de fortifier son cœur contre les tentations. Considérez de temps en temps quelles passions dominent le plus en votre âme, et les ayant reconnues, faites-vous une conduite de vie qui leur soit toute contraire en pensée, en parole et en œuvre. Par exemple, si c'est la vanité, pensez souvent combien la vie humaine porte de misère, combien à l'heure de la mort votre conscience souffrira des vanités du monde, combien elles sont indignes d'un cœur généreux, ne devant être regardées que comme des amusements d'enfant. Parlez souvent contre la vanité, et quoi qu'il vous semble que ce soit à contre-cœur, ne laissez pas d'en parler avec mépris, parce qu'à force de parler contre quelque chose, nous nous excitons à la haïr, tout aimable qu'elle nous soit au commencement. Ainsi, vous vous engagerez même par une raison d'honneur à prendre le parti contraire à la vanité. Faites des œuvres d'abjection et d'humilité, le plus que vous pourrez, bien qu'il vous semble que ce soit à regret. Car vous vous formerez à l'humilité et vous affaiblirez toujours votre vanité, de sorte que quand la tentation viendra, votre inclination ne lui sera plus si favorable, et vous trouverez en vous plus de force pour la combattre. Si votre cœur est enclin à l'avarice, représentez-vous souvent la folie de cette passion, laquelle nous rend si esclaves de ce qui n'est fait que pour nous servir, et pensez qu'à la mort il faudra tout laisser, et peut-être entre les mains de tel qui dissipera tout et se damnera encore par sa dissipation. Parlez fortement contre l'avarice et louez le mépris du monde. Faites-vous souvent violence pour faire des aumônes et pour laisser quelquefois échapper les occasions d'amasser du bien. Si vous sentez du penchant à vouloir donner ou recevoir de l'amour, pensez souvent combien cet amusement est dangereux pour vous et pour les autres, combien c'est une chose indigne de profaner la plus noble inclination de votre âme, combien une telle conduite peut vous faire blâmer d'une grande légèreté d'esprit. Parlez souvent en faveur de la pureté et de la simplicité du cœur. Faites le plus que vous pourrez des actions conformes à cette vertu, évitez toutes les afféteries et toutes les occasions de cajolerie. En temps de paix, c'est-à-dire lorsque l'ennemi ne fera point de tentation à votre mauvaise inclination, faites beaucoup d'actions de la vertu contraire et cherchez-en les occasions si elles ne se présentent pas, car vous fortifierez ainsi votre cœur contre la tentation future. Fin du chapitre 10, quatrième partie.